Thank you. Alors, est-ce que tu as trouvé les gammes, Giorgio? Est-ce que tu as trouvé les gammes? I said, Lord,